Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'hommes. S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutus. Oh, arrêtez! Il suffit de lui mettre une balle dans la tête et c'est lui qui est foutu. Pas vrai? Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque. You're gonna need a bigger podcast. Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je me présente, je suis le professeur Rico. Vous me connaissez peut-être déjà au travers du podcast Nanarland, consacré aux mauvais films sympathiques, sous le haut patronage du label Riviera Ferraille d'Henri Michel. Si je voue un culte particulier au nanar, j'ai aussi développé une véritable passion, limite pathologique, pour un sous-genre injustement mésestimé du film d'épouvante. Le film d'attaque de requins. La vision très jeune, à la télévision, des Dents de la Mer de Steven Spielberg, a été pour moi un traumatisme profond. Le genre de moment fondamental qui forge à jamais une cinéphilie dévariée. Depuis, tel le junkie perpétuellement à la recherche de la sensation du premier shoot, je m'enquille avec acharnement tous les films de squal qui échouent sur grand et petit écran en rêvant de retrouver le frisson primal de ce souvenir d'enfance. Et des films de requins, il y en a. Beaucoup. Plein. Et des pas bien. Oh là là, c'est chaud. Je vous dis pas la descente la plupart du temps. Enfin bon, ayant décidé de façon cathartique de ne pas être le seul à souffrir, je vais me lancer dans un podcast où ensemble nous allons explorer cet univers et nous donner la noble tâche d'analyser et de classer scientifiquement les films de requins tueurs. Pour ce faire, j'ai établi la recension la plus exhaustive possible des films de requins. Soyons précis, je vais me consacrer plus spécifiquement au film où le noble prédateur des mers est le sujet central, ce qui exclut au passage ceux où il n'est qu'une menace périphérique, comme dans la plupart des James Bond, une autre de mes passions, mais ça on en reparlera une autre fois. J'exclus aussi au passage les longs métrages d'animation et les documentaires, pour ne parler que des films de fiction. Je me concentrerai uniquement sur le requin, parce que s'il fallait en plus aborder les crocodiles, les piranhas, les barracudas, les baleines tueuses ou les ablettes vindicatives, on en aurait pour un siècle et demi de podcast. Et aussi, parce que rien qu'avec les requins, après recherche, j'arrive à un premier total de 74 films à traiter. Et que tous les jours, en tapant dans une pierre, on en retrouve d'autres. À chaque numéro, je tirerai donc au sort deux films de requins que je disséquerai pour vous, avant d'essayer de les reclasser dans une des cinq catégories suivantes. Incontournable, sympa, routinier, nul, à fuir. Et le tout comme il se doit, avec toute la rigueur scientifique qu'impose un tel exercice. Alors, prêt à se jeter à l'eau ? Putain, c'est quoi ça ? Ils chassent en meute. Comme des chiens sauvages. Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est? Ce que vous avez fait, c'est de nous mettre tout en bas de cette chaîne alimentaire. Peur bleue. Alors, si j'ai décidé de tirer au sort la plupart des films que nous allons voir ensemble, émission après émission, faut quand même commencer par quelque chose et je pense qu'il est important d'établir à la fois une barre haute et une barre basse pour pouvoir un petit peu juger les films. Alors la logique aurait voulu que je commence par le premier Dents de la Mer de Spielberg, mais je me dis que je vais me le laisser un petit peu pour plus tard, pour deux raisons, parce que il va franchement écraser la compétition, donc si je commence par celui-là, ça ne laisse aucune chance à d'autres films de pouvoir briller quelque peu en tête du classement. Et puis aussi, je pense qu'après avoir vu quelques tétrabouettes de très très mauvais films, je serais content de le revoir au détour d'un tirage au sort chanceux. Donc, finalement, j'ai vu deux films qui permettaient d'avoir un petit peu cette dualité. Il s'agit de Peur Bleue, Deep Blue Sea, et de sa suite récente, Deep Blue Sea 2, qui racle vraiment les fonds de tiroir. C'était le requin qui s'est échappé ? Ah, ce petit-là, pas du tout. Ceux-là sont les normaux. Ces trois-là sont ceux qu'on étudie. Deux de la première génération et une femelle de la seconde génération. « sous cette surface qui ressemble à un miroir. Un monde grouillant de monstres. Alors, de quoi ça parle ? Eh bien, nous sommes sur la base scientifique semi-immergée Aquatica, où des savants expérimentent le fait de favoriser la croissance cérébrale des requins pour en extraire des cellules qui devraient guérir la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez tout de suite la bonne idée, hein, rendre des requins plus intelligents qu'ils ne le sont déjà. Alors évidemment, ceux-ci vont rapidement trouver le moyen de faire péter une partie de la base et vont commencer à poursuivre dans le centre de recherche qui se remplit de flotte les membres de l'équipe pour les bouffer un par un avant de se carapater dans la nature. Ah, ce film est vraiment cool. Je l'avais vu au ciné à l'époque et j'avais adoré. Et en le revoyant pour le podcast, je dois bien avouer que malgré les années, ça reste un vrai bon petit plaisir coupable. Alors je dois avouer aussi une certaine tendresse pour Reni Harlin, un réalisateur d'origine finlandaise qui dans les années 80-90 a été un des petits maîtres du film d'action, avec notamment Die Hard 2, 58 minutes pour vivre, Cliffhanger, Au revoir à jamais sur un scénar de Shane Black, des petites productions sympas comme le film d'horreur Prison ou le très incorrect Les aventures de Fort Fairlane. Et à la fin des années 90, en fait, il doit se refaire un nom parce que Au revoir à jamais n'a pas très très bien fonctionné. Et puis surtout, il y a le désastre L'île aux pirates, grand film d'aventure avec Gina Davis et Matthew Modine, qui a carrément coulé le studio Carolco, puisque pour 137 millions de dollars de budget, ils ont fait royalement 11 millions de dollars de recettes. Alors, Deep Blue Sea sera peut-être le dernier vrai bon film de Reni Harlin, parce que à partir des années 2000, il va surtout se commettre comme une espèce de mercenaire et aligner des films de plus en plus nuls, des coproductions internationales avec la Russie, avec la Chine, qui sont assez pénibles à voir. Alors c'est le film qui va aussi clairement relancer à la fin des années 90 la mode du film de requin qui était moribonde depuis les derniers opus catastrophiques des Dents de la Mer et puis les rip-off italiens plus ou moins foireux. Il bénéficie donc d'un bon casting, de budgets confortables, de décors soignés et puis un petit peu comme Jurassic Park, enfin toute proportion gardée, les effets spéciaux jouent beaucoup sur le mélange d'effets pratiques avec des animatroniques et d'effets numériques, ils sont pas encore tous totalement aboutis, on est en 99, mais qui sont plutôt pas mal utilisés, pas mal intégrés. Je vais essayer de pas trop vous le spoiler si vous l'avez pas encore vu, mais c'est un film plutôt réussi. Pas un chef-d'œuvre absolu, plutôt le dessus du panier en termes de film du requin, parce qu'il sait assez bien ménager ses effets, jouer des attentes et des clichés classiques du genre. Qui va survivre, qui va y passer, quand est-ce que le requin va apparaître ? Alors après un premier tiers à présenter les enjeux des personnages, plutôt bien caractérisés et bien interprétés, la scientifique qui veut guérir Alzheimer et n'a absolument pas conscience de la portée de ses actes, le beau gosse ténébreux chargé de s'occuper des requins au lourd passé, le cuistot rigolard qui a trouvé la foi et balance les petites punchlines, et surtout Samuel L. Jackson, parfait en patron, qui est en visite d'inspection dans son laboratoire, qui essaie de se la jouer sympa avec ses employés tout en se faisant gentiment rembarrer par ceux-ci. Vodka, sans glace. Hey, à propos, la bouffe était excellente, mon frère. Tu es le type qui s'est fait prendre dans une avalanche, c'est ça ? Ouais, c'est moi. Comme si les Noirs avaient pas assez de façon de se faire tuer sans aller grimper au sommet des putains de montagnes au milieu de nulle part. Il vaut mieux laisser ça aux Blancs, mon frère. À partir du moment où les squales passent à l'attaque et commencent à désinguer la base, eh bien, le rythme ne faiblit plus, va crescendo, et Reni Harlin prend un malin plaisir à tuer ses personnages de façon assez sadique par ses requins déchaînés. Et puis, il y a aussi la bande originale de Trevor Rabin, très efficace, bien angoissante, bien étouffante. Vous l'entendez un petit peu en arrière-plan de cette chronique, et ça rajoute encore très largement à l'ambiance de la station en train de couler. Alors franchement, c'est de la série B consciente de ce qu'elle est, rien de plus. Mais pour cela, on commence le podcast sous des meilleurs auspices. Alors vous inquiétez pas, je vais être un petit peu plus saignant sur la suite. Et franchement, j'avais besoin de commencer par un bon film, en tout cas à l'échelle du film de requin. J'avais besoin de commencer par quelque chose qui allait me mettre en joie pour cette rude tâche qui allait être de cataloguer, de classer tout un tas de films qui ensuite s'en sont beaucoup inspirés et qui sont, eux, par contre, extrêmement mauvais. C'était une saloperie de requin qui a défoncé cette porte? Je présume, ouais. Vous présumez? Non. Voyons, voyons, voyons. Est-ce que je suis le seul connard ici à penser que c'est un peu étrange? Un requin peut faire ça? Défoncer une porte en acier? Je suis pas expert. Mais je dirais qu'avec la taille d'un Génération 2 et un peu de place autour de lui, il peut porter un coup de plus ou moins 2 tonnes. Alors oui, à mon avis, s'il veut défoncer une porte, il y arrivera. Il est temps maintenant d'apporter une évaluation générale à Peur Bleue et de le replacer dans la grande famille des films de requins. Alors, je pourrais me contenter d'un petit commentaire à l'emporte-pièce, d'une déclaration laconique. Non. Nous allons essayer de faire ça à la fois de façon pédagogique et scientifique. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une fiche de suivi des compétences squalo-cinématographiques ou compétences squalographiques des films que nous allons traiter ici. Nous les reclasserons sous 6 items. Originalité, scénario, personnage, ambiance, réalisation, qualité des requins. À chaque fois, nous essaierons d'établir si ces compétences sont non acquises, ce qui vaut 0 point, insuffisamment acquises, 1 point, en cours d'acquisition, 2 points, acquis, 3 points. Il restera enfin une appréciation plus personnelle qui nous permettra de rajouter les 2 points qui manquent pour avoir une note sur 20. Ce qui nous permettra ensuite de reclasser les films dans 5 catégories. À fuir, de 0 à 4 points. Nul, de 4 à 8 points. Routinier, de 8 à 12 points. Bon, de 12 à 16 points. Incontournable, et il n'y en aura pas beaucoup, de 16 à 20. Bon, soyons honnêtes, on n'aura pas non plus des exigences trop élevées, étant donné que dans la catégorie des films d'attaque de requins, on va être un petit peu plus proche de la section SECPA que de la classe d'entrée aux grandes écoles. Il est temps donc de faire le suivi des compétences squalographiques de Peur Bleue. Originalité. Acquis. Soyons honnêtes, c'est le film qui va relancer la vague des requins tueurs dans les années 2000, et ses idées vont se faire piller très largement par tous les suiveurs à petit budget. Scénario. En cours d'acquisition. On se laisse prendre aux rebondissements qui sont plutôt bien troussés. Ça va pas très très loin non plus, faut pas exagérer, et faut bien suspendre son sentiment d'incrédulité à plusieurs moments. Les personnages. En cours d'acquisition. Si certains acteurs s'amusent visiblement comme Samuel L. Jackson ou L. Cool G en cuistot prêcheur, Saffron Burrows dans le rôle de la scientifique manque un peu de conviction et le personnage de Thomas Jane reste un petit peu trop en retrait dans le genre ténébreux. Ambiance. Acquis. On n'a pas le temps de s'ennuyer, entre tension, petite pointe d'humour. On est dans le film, y a pas de souci. Réalisation. Acquis. Alors ok, Rémy Harlin, c'est pas Spielberg ou McTiernan. Mais c'est quand même un solide artisan qui sait y faire. Il crée une atmosphère claustrophobique dans sa base en train de couler et vous ménage quelques petits effets chocs qui vont vous scotcher à votre siège. Requin. En cours d'acquisition. On a affaire ici à des requins mako, requins marsouins dans la VF, qui sont plutôt pas mal, mais il faut bien avouer que les effets spéciaux de l'époque, notamment numériques, sont pas toujours totalement au point, et les mouvements des requins font un peu tâche pour certaines scènes. Mais globalement, on est quand même sur du haut de gamme, on a quand même 60 millions de dollars de budget derrière. Et on arrive donc à un total de 15 sur 20, et je rajouterai en tant que note personnelle, 1,5 sur 2, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à revoir ton film, Rémy. C'est péchu, c'est de la série B, c'est conscient de ce que c'est, et ça ne nous ment pas sur la marchandise, on passe vraiment un bon moment. Bravo, tu rentres dans les incontournables. Toutes mes félicitations. Ah, mais il y a ton petit frère qui arrive au portillon. You might explain to me what it is you're doing with bull sharks in containment. My company is one of the leading producers of intelligence enhancers that can actually alter the genetic structure of the brain. They're problem solving, learning how to learn, and they like it. Do you actually think you can get the same results in human beings? Our potential is greater than any machine. It just needs to be unleashed. Let me show you. We can all be gods. or monsters. Et donc, 19 ans plus tard, il se décide à faire la suite Deep Blue Sea 2, alias Peur Bleue numéro 2, sorti chez nous en mars 2018. Et ça va pas être la même, hein. Déjà parce que le budget, c'est celui qui est alloué par Sci-Fi, c'est-à-dire en gros $1 million, on n'a pas les 60 de Rennie Harlin. Et sur ces $1 million, il y a fort à parier que les deux tiers ont dû passer pour le rachat de la licence. Ce qui n'est pas grand-chose pour pouvoir faire un spectacle de qualité. Alors, heureusement, Darren Scott, qui est le réalisateur tâcheron de cette production, qui est un habitué des petits films d'horreur à tout petit budget, a déjà la bonne idée d'économiser sur le scénariste. Hein. On va reprendre le scénario du premier, de l'original. C'est donc non pas une suite, mais en fait, c'est carrément un reboot, une copie conforme, une photocopie du film de Rennie Harlin. Et donc le résultat, eh bien, c'est que non seulement c'est sans surprise, mais en plus c'est un film qui s'avère être parfaitement ennuyeux. Sur la jaquette, on a une tagline d'enfer, Stronger, Wiser, Deadlier. Mais Weaker, Stupider et Sleepier auraient été probablement plus appropriés. Mais Craig, c'est pas vrai. J'ai jamais vu des morsures de requins qui ressemblaient à ça. On va tous mourir, j'en suis sûr. Non, personne ne va mourir. Essayez de vous calmer. Aaron, fais-moi un rapport. On est mal, on est super mal. Aaron, dis-moi s'il y a beaucoup de brèches dans la coque. Seulement dans le couloir est, pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi vous dites pour l'instant? Je les ai jamais vus faire ça. Ils sont en pleine frénésie. S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Il parle de frénésie alimentaire. On est vraiment fatigués. C'est pour ça qu'ils s'en vont pas? Alors que la clôture est désactivée, ils veulent nous chasser? Attendez, ça n'a aucun sens. Ah mais ça, je suis parfaitement d'accord, ça n'a aucun sens de vouloir refaire un film à l'identique avec 60 fois moins de budget. Mais bon, les petits producteurs, les chaînes de télé câblées ont des raisons que la raison ne connaît pas. L'appât du gain, très certainement. Enfin, replongeons ensemble. Et nous revoici de nouveau dans une station expérimentale sous-marine, dirigé par un milliardaire un peu fêlé, incarné par une sorte de Samuel L. Jackson du pauvre, qui s'est mis en tête de tripatouiller le cerveau des requins pour créer un super sérum qui doit accroître l'intellect humain. Pourquoi me direz-vous ? On a déjà pu multiplier par 10 000 la base des capacités cognitives de Bella. Et vous croyez pouvoir obtenir le même résultat sur des humains ? Je le pense, oui. C'est une absolue nécessité si on souhaite maintenir la suprématie du genre humain. L'intelligence artificielle devient de plus en plus performante. Bientôt, les calculateurs quantiques vont entraîner une accélération exponentielle de la puissance de tous les ordinateurs. Ils pourront apprendre par eux-mêmes, et quand ça se produira, nous perdrons tout contrôle sur eux. Et en un instant, en une fraction de seconde, l'homme lui-même sera complètement dépassé. Et ils voudront nous anéantir. Et donc, pour rester dans la course face à la machine, il faudra boire du jus de cerveau de requin qui booste vos capacités. Annote bien ça, Cameron, pour ton prochain Terminator, c'est de l'or en barre. En fait, quand on vient de voir le premier et qu'on s'attaque aux deux dans la foulée, on peut être que frappé par l'absence de moyens de cette suite remake tournée à la va-vite en Afrique du Sud. Les décors sont misérables. À la surface, la grande base, c'est deux pontons, un cabanon. Le grand labo de recherche, c'est une piscine modèle petit bassin, quelques armoires métalliques, et des écrans verts sur lesquels on projette des images de poissons qui bougent pour faire baie vitrée. Et quand la station Akelios part en sucette, et se retrouve envahi par la flotte, et les requins, on passe 20 minutes dans le même couloir, filmé sous tous les angles pour nous faire croire à un dédale de sable. Non, je suis mauvaise langue. Darren Scott, c'est un malin. Et il a le truc imparable pour te faire croire que t'es dans une super production à 200 patates avec des décors qui occupent la moitié des studios de Pinewood. Les filtres de couleurs. Et vas-y que je t'éclaire tout en vert, en bleu, en rouge, pour te faire croire que t'es sur des décors différents. Un couloir, trois ambiances. Alors on a un petit espoir pendant les 5 premières minutes, parce que la première scène est à peu près réussie, avec une bande de pêcheurs viandards qui massacrent du requin pour les ailerons, et qui se fait bouffer par les requins bien vénères échappés du centre de recherche, requins qui sont récupérés par le dresseur de squale en titre de la base, qui bénéficie pour ça d'un espèce de petit boîtier assez marrant qui permet de contrôler les requins. Requins d'ailleurs qui nagent, et là aussi c'est assez cocasse, en escadre, en V, un peu comme des oies sauvages, pour bien montrer que ce sont non seulement des machines à tuer, mais qu'elles ont un comportement de prédateur intelligent. Un mot rapide sur les requins, pour une fois ce ne sont pas des grands blancs, mais des requins bulldogs. Petits, trapus, ils aiment bien foncer sur leur cible, et l'assommer d'un bon coup de tête avant de la croquer. Ce qui est relativement original, et au moins ce qui apporte un petit plus à ce film. Alors comme on est en 2018, les effets spéciaux sont à peu près corrects, faut pas y regarder trop près, et puis on nous en sert pas beaucoup parce que malgré tout, les images de synthèse, ça coûte bonbon. Ah oui, une petite scène rigolote qui montre que le réalisateur connaît ses classiques au début du film. Nous avons nos héros qui sont en train de discuter dans la base sous-marine, quand soudain, on s'aperçoit que un requin à l'arrêt les regarde d'un œil rond par la fenêtre. Un peu comme Hal dans 2001 Odyssée de l'espace. Et là on se dit, mais oui, les requins sont tellement intelligents qu'ils savent lire sur les lèvres. Alors, j'ai peut-être été un petit peu méchant quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de scénario, parce qu'il y a quand même trois scénaristes crédités, hein, dont un certain Hans Rodianoff, par ailleurs auteur de comics, qui a dernièrement avoué dans une interview que son rêve était de faire la suite de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Ben non, tu touches pas à ça, Jeannot. Non. Enfin, c'est d'autant plus rageant qu'il y a eu quand même un projet de suite par Rémi Harling qui a traîné près de 10 ans dans les cartons sans réussir à aboutir. A noter que la bande originale est composée par Sean Moray, un requin de studio, qui a un CV long comme un jour sans pain depuis les années 80 à faire des compositions de raccords pour des séries télé et puis des musiques pour tout un tas de petits films à petit budget. Dont la plupart n'ont pas marqué les esprits, comme Elvis is Alive ou Firetrap. C'est honnête, c'est pas génial, ça lorgne beaucoup sur le travail de Trevor Rabin dans le premier film, mais on a entendu bien pire, c'est aussitôt écouté, aussitôt oublié. Alors au final, pourquoi ce film ? Eh bien, je crois que le réalisateur lucide s'incarne dans un des personnages, pour mettre le doigt sur la raison pour tout ça. Oui, mais c'était pour voir. Je me suis dit que si ça pouvait marcher, tous les deux, on devient très riches. Je ne suis pas devenue scientifique pour être riche. Oui, mais tu sais, on peut faire tellement plus quand on a de l'argent. Plus besoin de supplier ou de faire n'importe quoi pour des subventions. Bon, je crois que maintenant il est temps de se pencher sur le suivi des compétences squalographiques de Peur Bleue numéro 2. Et soyons honnêtes, ça sera pas brillant. Originalité, non acquis. Non mais franchement, tu crois qu'on l'a pas vu venir à repomper la copie de ton grand frère en espérant que ça allait passer comme une lettre à la poste ? Fumiste. Histoire, voir ci-dessus. Personnage, en cours d'acquisition. Jetterai pas trop la pierre aux acteurs, hein. Pour la plupart c'est les troisièmes couteaux qui ont CV long comme le bras de quasi-figuration dans des séries télé de seconde zone, dans les téléfilms de Noël. Ils font ce qu'ils peuvent, mais avec ce qu'ils ont à jouer, de toute façon, ils ne peuvent pas faire des miracles. Ambiance. Insuffisamment acquis. Non, mais franchement, Darren, avec un scénar aussi rigolo que celui de Peur Bleue, t'arrives à faire un film profondément ennuyeux. C'est du talent. Façon trou noir. Réalisation. Insuffisamment acquis. Ok, faut te reconnaître, tu sais gérer la misère. Mais bon, à un moment, ça se voit que c'est de la récup et que t'as pas de talent, Darren. J'ai vu les Asylum mieux foutus. Requin. Bon, un cours d'acquisition. Bon, au moins les requins bulldogs, ça change un peu, et puis c'est pas trop mal torché tant qu'on n'y regarde pas de plus près quand les bêtes sont en interaction avec le décor. Et on est quand même en 2018, plus en 1999, donc les effets numériques, t'as plus trop d'excuses. Alors ça nous fait un total de 6 sur 20, auquel je vais rajouter un demi-point pour la première scène, qui est plutôt rigolote. Franchement, Darin, tu nous as fait un film nul. Si la médiocrité était cotée en bourse, tu serais milliardaire. Non, parce qu'en plus, tu termines en laissant clairement la porte ouverte à un 3, mais faut pas te sentir obligé, hein, t'as pas les moyens de ton absence d'ambition. Parce que quand le dernier plan de ton film, c'est carrément un faux raccord de profondeur, même avec la licence poétique et de la bonne volonté, ça passe plus. Bon, il est temps de tirer les deux films de la prochaine émission. Alors, je farfouille dans ma boîte à requins. Hop, premier film, Malibu Shark Attack, ouais, 2009, production sci-fi avec des requins gobelins. Ouais, second film, oh non. 90-210 Shark Attack, c'est un David de Coteau, oh ça va être pourri. La misère. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est un sale boulot, mais il faut bien que quelqu'un le fasse pour le bien du public. Où pouvez-vous retrouver Shark Parade? Eh bien, par exemple sur Twitter, @TheUltimateRico, où votre serviteur vous tiendra au courant des développements de ce podcast, ainsi que diverses choses sur Manarland, le cinéma en général, et beaucoup de bêtises en particulier. Alors, merci de m'avoir écouté, et rendez-vous dans 15 jours, si tout se passe bien, pour un nouveau numéro de Shark Parade. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.